Gâté. CKRL HD. Une radio haute décibels. Bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Vous êtes en compagnie ce soir de Bruno Côté à la mise en onde et Marc Chaunet au choix musical et à l'animation. Deux heures de bon rock progressif, plusieurs nouveautés et disques récents dans le monde du rock progressif international. Et on va débuter avec un petit doublé italien. Ouais, vous savez que j'aime l'Italie. Et un nouveau groupe, ils sont de la région du nord de Rome, Giardino Onirico. C'est leur premier disque qui porte le titre Perigeo, et c'est la pièce titre qu'on va entendre. Puis ça apparaît sur une compilation qui vient avec le magazine belge Progressiste, le nouveau numéro, numéro 74, qui vient tout juste de paraître. Et c'est la compilation, c'est vraiment intéressant. C'est souvent les albums coup de cœur là, de la période qui couvre le magazine là, qui sont couverts par ces compilations-là. Puis c'est... Il y a plusieurs bonnes pièces sur ça, dont justement Giardino Onirico, que j'ai découvert grâce à cette compilation. Vous savez qu'on est associé la radio Terra Incognita avec ce magazine belge, et on en parle, il parle de nous, et puis ça nous donne un rayonnement international. Alors on va débuter avec ça, puis on va suivre avec le nouveau groupe également au lycée. C'est Progenésie, en fait, le groupe, et c'est l'album Ulysse, Ulysse, L'Alfiere Nero, un autre extrait de cet album, là, ça fait, on va certainement passer à travers cet album-là, on va se délecter. En fait, c'est un instrumental, et c'est la même chose pour Giardino Onirico, donc un doublé instrumental italien avec Giardino Onirico et Progenésie. Evaporano le essenze paradisiache di questa notte. Quasi non fosse reale, se riflette la tua ombra su di me. Offusca la mia mente. Potrei vederti risplendere di più, ma una luce mi impedisce di osservare, di guardare oltre flebili balligni. Si riflettono le essenze. Lungo le strade che portano altrove, si insidia un gioco perverso. Troppo perverso. Stabile l'inganno, continua a fascinare. Ottiene lo slancio e permette l'accordo di insane ambiguità. Disgustosi amenità. Doveva accadere prima o poi. Di svegliarmi. Dormi ancora. E non riconoscermi più. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Dans le quartier Saint-Roch, il y a un salon de dégustation où l'on sert la bière de différentes façons. On y trouve même un Randall. Check it out. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 10% à chaque fois que vous faites un achat chez Sillon le disquaire au 1049 Avenue Cartier. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-pratique. Que vous soyez un amateur de musique ou un collectionneur averti, le 9 novembre aura lieu la première foire du disque de Québec. Des vendeurs de toute la province seront présents avec des milliers de disques vinyles. Rendez-vous de 10h à 16h au Centre récréatif Saint-Roch, 613 rue du Prince-Édouard, 2$ l'entrée. Pour plus d'informations, visitez foiredudisquequebec.com. Le Cercle fête ses 6 ans le 8 novembre prochain. Dès 18h, vivez l'expérience du Cercle avec les créations de plus d'une trentaine d'artistes et collaborateurs. Sentez-vous transporté par un amalgame de projections, danses, d'installations sonores et par les spectacles de Rich au coin, à la Claire Ensemble et de plusieurs DJ. Toutes les infos et concours pour gagner un laissez-passer sur 6ans.ca. De retour avec Bruno et Marc pour l'émission Terra Incognita. Ce qu'on a entendu juste avant la pause, mais c'était un groupe allemand. Carpet, le nom du groupe, c'est leur deuxième album intitulé Elysian Pleasures. C'est la pièce Serpentine. Ça aussi, ça paraît sur la compilation du plus récent magazine progressiste numéro 74. Alors, allez faire un tour sur Internet et vous allez voir le détail. Vous pouvez commander les revues, puis vous avez aussi les compilations avec. Et on est associé à Terra Incognita. Terra Incognita, d'ailleurs, vous le savez maintenant, qui tiendra la 10e convention le 17 et 18 mai prochain au Centre d'art La Chapelle. Et les billets sont en vente déjà, je pense, pour ceux qui sont intéressés, étant donné que Glasshammer a confirmé qu'ils viendraient faire leur premier concert au Canada à la convention Terra Incognita. Et donc, c'est une première annonce et on attend déjà les noms des autres groupes, mais on sait que ça va être encore un bon festival. C'est en 2014, il y a aussi beaucoup de trucs qui se font. Il y a plein de croisières de rock progressif. On en parlait l'autre jour. Il y en a trois, en fait. Une en février, deux en avril. C'est très populaire. Alors, on va écouter plein de bonne musique rock progressif comme si on était sur ce bateau et qu'on avait The Tangent et leur plus récent album Le Sacre du Travail. C'est le 7e album pour The Tangent. Ça sera la pièce Evening TV. Et ça, c'est une version radio qui apparaît sur New Species volume 9, une compilation pour faire connaître les nouveaux groupes rock progressifs de Classic Rock Society. Alors, il y aura cette pièce-là, et ensuite, on va enchaîner avec Days Between Stations, leur merveilleux second album et plus récent, In Extremis. Il y a sur ça la pièce Blackfoot, donc c'est Oscar Fuentes-Bills avec Shepand Sazadeh, et il y a aussi Tony Levin et Billy Sherwood sur cette pièce-là, intitulée Blackfoot, et il y aura aussi le nouveau Life Signs, c'est leur premier, la pièce Carousel. On y va en musique, donc tout de suite avec The Tangent, Days Between Stations et Life Signs.

Donc, ou même pour faire tout ce bloc, ce prochain bloc, on va débuter avec Steven Wilson qui fait une tournée actuellement avec The Raven That Refused to Sing, son plus récent album, et en Europe. C'est un excellent disque. On écoutera la pièce The Watchmaker. On écoutera également Unreal City, La Cruelta di Aprile, c'est le titre de l'album. La pièce Dove la luce è più intensa. Ça sera du vrai italien chanté en italien. Et il y aura également Willow Glass, le plus récent, tiré de The Dream Arbor, la pièce The House of Cards Part 2. Alors, trois belles pièces de rock progressif, Steven Wilson, Unreal City et Willow Glass.

gettato via, perduto nella luce eterna di un'altra età. Nessuno sa se finirà la sua poesia. Dove cheminée, qu'il emmène avec lui la lime framboise, tous les palmiers, tous les bananiers. Ça signifie que l'automne est arrivé. Et avec lui, la bonne cuivrée au thé. Yeah! Rétessant! La cuivrée au thé! Hey! Cuivrée au thé! Eh oui, c'est la Barberie. Ouais, disponible dès cet automne. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 10% à chaque fois que vous faites un achat à la Fournée Bio et Pure Passion Chocolatée au 1296 3e Avenue. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-pratique. Le Ciné-Club Spirafilm au Cégep Limoilou est de retour. Pour sa première soirée, voyez le long-métrage Manners of Dying mettant en vedette Roy Dupuis. Le réalisateur Jeremy Peter Allen sera présent afin de partager son expérience de cinéaste. La séance sera précédée du court-métrage « Tombé dans l'œil » de Hugo Bellassen. Rendez-vous à la salle Sylvain Lelièvre du Cégep Limoilou le 28 octobre à 19h. Le Ciné-Club Spirafilm est présenté en collaboration avec le service d'animation socio-culturelle du Cégep Limoilou, le MCCCF, Télé-Québec, monlimoilou.com, le Bal du Lézard, chez Fratelli et CKRL. Spirafilm.com. Au début, il y eut le ciel, les étoiles, le soleil, le vent et les arbres. Et dans leurs feuilles vint la musique. Et ce jour, le cœur de l'homme s'apaisa. Il vous est possible d'en retrouver l'écho. Le choix est vaste, certes. Beaucoup sont différents, mais d'autres plus familières. Un peu comme si elles vous ressemblaient. Tendez l'oreille, tous les jeudis soirs, de 20h à 22h, à CKRLMF 89.1 Québec. Denis Barry vous propose l'émission « L'opineur du chef ». Peut-être y trouverez-vous des airs de parenté. Sait-on jamais? Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Déjà la dernière demi-heure pour l'émission. Alors, ce qu'on a entendu juste avant, c'était tiré du plus récent « Willow Glass ». The Dream Harbor, c'est un projet de Andrew Marshall qui a invité cette fois-ci Steve Unruh, et là on a pu profiter au maximum de tous ses talents de violoniste et de flûtiste dans cette pièce-là, les contributions qu'il a apportées à cette production-là, c'est vraiment très bon. Comme vous avez pu le constater, c'était la pièce de House of Cards Part 2. Pour la dernière demi-heure, on a tout d'abord, Shadow Circus des États-Unis, On a Dark and Stormy Night. Ça, en fait, c'est ça sera un bloc américain pour le dernier bloc. Donc, On a Dark and Stormy Night, la pièce Overture sur leur plus récent album, qui est vraiment un bel album. J'ai hâte de les voir en spectacle. Et si ça donne, il y avait eu un rendez-vous manqué avec la dernière fois qu'il y avait eu un ouragan, qui n'avait pas pu venir en première partie de The Watch. Alors, peut-être que ça sera partie remise. Et on va ensuite revenir avec Steve Unruh et son groupe Resistor, qui ont offert au Ross Fest l'an dernier une superbe prestation. Puis il y a une longue pièce sur ça qui dure 39 minutes. C'est The Land of No Groove, qui était sur le plus récent album. Et je vais en faire jouer un extrait de cette pièce-là. Vous allez voir, ça va faire une belle transition avec l'autoroute. Une longue pièce avec des belles guitares. Puis ça, c'est vraiment super bon. Donc, on y va tout de suite avec Shadow Circus et ensuite Resistor. Thank you. waves subsided, the mighty sea monster looked upon them and said, "Hey, your drummer's pretty good. Grab onto my tail and I'll pull you to a secret island with a bunch of cool musicians you can jam with." food and music were stunning. As the red sun went down, darkness fell on the isle. Back to the tales begin. to Simon. He was off to the sea, they to lead a revolution. C'est sur cette pièce de Resistor, enregistrée au Ross Fest l'an dernier, un extrait de la pièce de Land of No Groove, que se termine l'émission Terra Incognita en ce 29 octobre 2013. C'était Bruno Côté à la mise en onde et Marc Chaunet à l'animation et au choix musical avec vous depuis 22 heures. On vous souhaite une bonne semaine. À bientôt.